La réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée aux questions d'un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos des accusations réitérées de notre développement d'armement nucléaire par Obama a été rapportée du 28 au 31 mai dans divers pays. L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse chinoise, les réseaux Le Peuple, La Planète et de l'information chinoise, le journal chinois Xinhua Shibao, le journal brésilien Agua Verde, Léon page internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et Léon page internet polonais La République populaire démocratique de Corée ont présenté le test intégral ou résumé de la réponse du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères.